de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Je reçois aujourd'hui par téléphone Aurélie. Aurélie, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, bien, je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je m'appelle Aurélie Béton, j'ai créé fin janvier 2022 mon association Artis A. Et justement, c'est quoi Artis A ? En fait, c'est une association qui a pour objet de proposer aux artistes une entraide et un service de communication. D'une manière plus générale, de les accompagner dans leur promotion, d'aider à vendre leur création à travers des expositions, des événements. Et on aimerait bien développer aussi des pépinières d'expression artistique, des espaces de coworking, etc. Pourquoi ce nom, justement, Artis A ? Je voulais que ça fasse résonance à l'art, aux artistes, tout simplement. Elle existe depuis combien de temps, cette association ? Elle a été créée le fin janvier 2022, fin janvier, début février 2022, exactement. C'est qui l'a créée ? C'est moi, c'est une création familiale. Moi, je suis la présidente, mon père est le vice-président, ma mère est la trésorière et ma sœur la secrétaire. Ah, c'est moi qui ai l'origine de la création, parce que j'ai une formation moi-même artistique. Je peins, je fais ma passion pour les arts à côté de mon travail. Ah, justement, c'est quoi votre formation ? J'ai une formation, j'ai passé un bac art plastique, un bac L option art plastique au lycée, et après j'ai un BTS en art appliqué dans la communication visuelle, j'ai une formation graphiste. Sachez qu'on a un point commun, on a tous les deux pris option art plastique au lycée. D'accord. Puis j'ai été pendant plusieurs années à l'école de dessin, c'est pas grave, à Saint-Dié. Combien est-ce qu'il y a de bénévoles et d'adhérents dans votre association ? Pour le moment, c'est tout frais, donc il y a une dizaine d'adhérents, il y a les artistes, il y en a aussi une dizaine, donc c'est au tout début, c'est tout frais. Voilà, c'est au début de la création. C'est en cours. Est-ce que certains membres de l'association sont eux-mêmes artistes ? Ils ont une sensibilité artistique. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre à l'association ? Alors, sur le site internet www.artiste-a.com ou sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Il y a toutes les coordonnées. Comme toutes les associations, vous avez des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, comme l'équipe, c'est ce que je vous disais, c'est familial. Donc, mon père, c'est le vice-président. Ma mère la trésorière et ma sœur la secrétaire, donc ils m'ont toujours encouragée dans mes créations, dans mes expositions artistiques. Ils m'aident, ils m'encouragent, ils sont là pour trouver des lieux d'exposition, des événements, contacter, etc. Enfin, l'administration diverse et variée. Ils ont mes parents sont retraités maintenant. Ma mère a été dans l'enseignement pendant plusieurs années, professeur des écoles pendant plus de 20 ans. Mon père, il a créé sa Il a été dirigeant d'une société, il avait créé sa société. Pour résumer, il a été commercial pendant plusieurs années, il a monté les échelons et il a fini par créer sa société. Et ma sœur est aussi professeure des écoles. Donc ils ont tous les trois des sensibilités artistiques, d'où le fait de faire partie de l'association, d'être au début de la création de l'association. Puis c'est bien d'avoir le soutien des siens, ça nous porte. Oui, ça encourage, oui, ça nous porte exactement. J'avais besoin d'être entourée de gens qui me connaissent, qui me soutiennent. On est dans le dialogue, donc on se dit les choses simplement, on avance. Combien d'artistes vous avez fait découvrir au grand public avec votre association ? Pour le moment, j'ai moins de 10 artistes. J'ai des sensibilités artistiques, comme je disais, c'est tout frais. J'ai Mélanie Pierre Allegrini, qui est plasticienne, Swarf, qui est graffeur, Marie-Thérèse Blumen, pareil, une plasticienne, moi-même, Patrice Jacquemin, qui est céramiste. Donc j'ai des céramistes, des photographes, des peintres, j'ai un peu, voilà, c'est divers et varié, mais j'essaie de toucher dans différents domaines, différents arts. Donc aussi je vais avoir des photographes, donc voilà, j'élargis les champs d'action, les domaines des arts, photo, peinture, céramique, graphisme, enfin voilà. Alors justement, comment ça se passe si un artiste veut faire appel à vous ? Alors, comme je dis, ils veulent faire appel à nous, ils peuvent nous contacter, mes coordonnées sur le site internet ou par mail, téléphone. Après, en général, on se rencontre, je présente l'association, les objectifs de l'association, et je demande, je le rencontre s'il est en atelier, dans son atelier, donc je vois directement ses travaux, ses œuvres, je me rends compte de son univers, de ses œuvres, etc. Puis avec l'équipe de l'association, après, on valide ou pas l'entrée de l'artiste, l'adhésion de l'artiste. Mais en général, ça se fait voilà simplement. C'est vraiment une rencontre humaine avant tout avec les artistes, son univers. Est-ce que vous avez déjà eu un artiste qui vous a pas contacté, mais que vous avez découvert ? Oui, comme Mélanie Pierre Allegrini, je l'ai découvert, mais on avait des connaissances communes, donc c'est moi qui l'ai contacté, par exemple. Voilà, un exemple. C'était une belle rencontre, donc Donc des fois ça se fait soit je les suis sur internet, sur leurs réseaux sociaux, donc je les ai contactés, on a des connaissances communes, donc je les ai contactés via les réseaux sociaux tout simplement, puis après on s'est rencontrés et voilà. Comment est-ce que vous avez établi un réseau de contacts pour mettre les artistes en avant? Les connaissances personnelles avec les artistes, les amis. Ou pareil, ce que je disais, si je suis des artistes sur internet depuis plusieurs années, après c'est ça, quoi. Ou à des vernissages, je fais la rencontre, je découvre l'artiste, donc après c'est divers et varié, il y a différents moyens de. C'est quoi un vernissage? Un vernissage, c'est soit un vernissage au début de l'exposition, donc l'artiste présente ses œuvres au public, ou après ce qu'on appelle aussi un finissage, mais c'est à la fin de l'exposition. En général, le vernissage, c'est un vernissage, c'est la présentation de l'artiste au public avec ses œuvres, ses réalisations, donc avec du public, c'est en soirée, en général ça se fait autour d'un vin d'honneur, voilà. C'est un vernissage, c'est ça. Quels sont les différents lieux d'exposition que vous avez occupés pour vos artistes? On a occupé Garnier Thiébault à Gérardmer cet été, les deux magasins, pendant 2 mois. Là, moi-même, j'avais fait une exposition au restaurant La Galerie à Gérardmer, où est actuellement exposée Mélanie Pierre et Grigny. Mmh. Donc ça, c'était les premières les expositions depuis que j'ai créé l'association. Après, j'en ai d'autres en cours. Je suis encore en train de négocier des expositions en cours à Porsche à Léménil, le centre Porsche à Léménil. Donc il y en a d'autres qui vont suivre. Alors nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi avant de faire plus ample connaissance avec vous Aurélie. Et on se retrouvera juste après sur Radio Guémozo. Merci. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, it's one day in the night. One love, we get to share it. Leaves you, darling, if you don't care. Temple. Nous sommes de retour avec Aurélie sur les ondes de RGM pour apprendre à la connaître. Aurélie, qu'est-ce qui vous passionne dans l'art ? Oh, il y a plein de choses qui me passionnent dans l'art. C'est une expression, un médium qui me fait vibrer depuis toute petite, à travers lequel je m'exprime. Donc il y a plein de domaines, la peinture, la photo, la sculpture, la danse. C'est un moyen d'expression qui me fait vibrer, qui me fait rêver, par lequel je m'exprime mes sentiments, mes opinions. Est-ce qu'il y a un art particulier que vous aimez le plus ou que vous pratiquez vous-même ? Un art en particulier ? Non, que j'aime plus, non. Après, moi, je pratique plus la peinture. En ce moment, c'est plus ça, dans les arts plastiques, la peinture, ce qui me concerne. Vous utilisez quoi comme peinture ? Je mélange les techniques acrylique, encre, pigments. Je crée des pâtes, je mélange différentes techniques. Entre les différentes peintures qui existent, c'est laquelle qui est la plus difficile à manipuler ? Elles sont toutes. Oui, il n'y en a pas, honnêtement, les nattes sont toutes plus... Il n'y en a pas plus facile. Après, la peinture à l'huile, je dirais que c'est plus difficile parce que, par exemple, le séchage, ça met 6 mois où il y a des peintures comme ça plus nobles. Mm-hmm. Mais sinon, elles sont toutes... Il n'y a pas une technique qui est plus facile qu'une autre. Est-ce que vous avez un artiste qui vous a influencé ou inspiré dans vos peintures ? Oui, petite. Enfin, c'est la rencontre de l'artiste Paul Klee qui m'a fait vraiment découvrir, aimer les arts. Après, j'aime tout. C'est vraiment Paul Klee, Matisse, Picasso pour les premiers que j'ai découverts. Je suis allée au musée Georges Pompidou. Pour les premiers les premières rencontres. D'accord. Alors, j'ai deux citations que j'ai trouvées sur Internet. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est l'art est un sentiment plutôt qu'une croyance de Charlie Chaplin. Et une autre de André Suarez qui dit « L'art est le lieu de la liberté parfaite ». Vous en pensez quoi ? Ah bah oui, c'est ça. L'art est le lieu de la liberté parfaite. C'est qu'on peut vraiment exprimer en toute liberté ce qu'on ressent, ce qu'on pense. C'est ça, le lieu que d'être un artiste, c'est vraiment ça, la liberté de s'exprimer à travers notre art. Je trouve que c'est bien résumé. Est-ce que c'est un exutoire aussi pour vous ? Ah oui, bien sûr, oui, pour tous les artistes, oui. Et dans quelles conditions vous peignez ? Est-ce que vous aimez être dans le silence, dans la musique ? Dans la musique, j'aime bien écouter la musique. En général, je mets de la musique un peu forte. Mais j'aime bien écouter, j'ai besoin d'avoir de la musique et de pouvoir rentrer dans ma bulle. Donc j'écoute de la musique quand je pars. Je voulais savoir, c'est quoi du patchwork ? Parce que tout le monde parle de ça, mais je sais pas du tout c'est quoi. Des patchworks, c'est un mélange de plein de choses. C'est un montage de plein de choses différentes. Un mélange de plein de choses différentes. De différentes matières, différents éléments différents. Est-ce que vous considérez les graffitis comme des œuvres d'art ? Ah bah oui, bien sûr, parce que dans mon association, il y a un artiste qui est graffeur, donc oui. Est-ce que vous avez déjà exposé vos œuvres et où ? Ah oui, j'ai fait plusieurs expositions depuis une quinzaine d'années. J'ai exposé dans des galeries à Nancy, dans différents hôtels, dans différents espaces culturels, mais tous les lieux d'exposition, enfin toutes les expositions sont sur mon site www.escargotvolant.net. Donc j'ai depuis 15 ans, je fais des expositions façon professionnelle, donc dans des galeries, espaces culturels, hôtels, relais châteaux. Et vous avez des bons retours ? Oui, en général, oui, j'ai des bons retours, oui, ça se passe bien. Déjà, c'est des belles rencontres humaines, et après, j'ai des bons retours, oui. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première peinture ? Celle que vous êtes le plus fier ? Le plus fier, c'est... on les aime toutes. Il n'y a pas plus le préféré, tout ça. J'ai envie de dire, à chaque fois qu'on la dernière, qu'on fait là actuellement, on est toujours plus... On se dit, on a évolué, on a progressé. Alors, à qui vous montrez vos peintures en premier ? En général, ce sont les réseaux sociaux, en fait. Les premières personnes qui savent les voir, ce sont les réseaux sociaux, mon compte Facebook... Donc, c'est en général les photos qui sont tout de suite mises sur ma page Facebook ou les réseaux sociaux. Donc c'est souvent mes contacts sur Facebook, les réseaux sociaux qui le voient. Donc, première personne qui voit mes peintures, c'est mon fils, mais parce qu'il est avec moi, mais voilà. Mais vous les avez montrées à qui, votre toute première peinture, à vos parents ou... Oh, peut-être oui, à mes parents, oui. Mes peintures, oui, de toute façon, mes parents, ils ont vu toutes mes peintures, donc oui, les premières peintures, c'est dans les premiers qu'on dû les voir, oui. Est-ce que le fait de montrer vos œuvres, ça vous pousse à aller encore plus loin dans vos créations ? Ah bah oui, bien sûr, parce qu'après, il y a des conseils, il y a des critiques constructives, donc oui, ça pousse toujours. Ça remet en question, donc c'est toujours constructif, toujours bénéfique. Alors, nous allons faire deux pauses musicales avant de parler d'une exposition qui sera jusqu'au mois de novembre. On vous laisse donc avec Tibbs, Joyce Jonathan et Lady Gaga sur RGM. petites jolies choses. Ça met dans le gris juste une touche de rose. Ça change pas la vie ni la couleur de la mer. Ces rayons de soleil en plein hiver. Les petites jolies choses. Parfois on ne les voit plus, c'est la vie en prose. Un peu de poésie qui nous sourit quand on refait le monde avec un ami. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste. Pour la beauté du geste. Comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi et moi, montre-moi si tu l'oses. C'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Tu dis, tu dis. Les petites jolies choses. Ça sent le café au petit matin. Et le pain grillé, c'est bonheur qu'on ne voit pas. Mais qui nous manquerait s'il n'était pas là. Les petites jolies choses. C'est rien que la somme de quelques détails. Une chanson qu'on siffle, un air qu'on adore. Un joli souvenir jusqu'quand on s'endort. Pour toi et moi, si c'est tout ce qui nous reste. Pour la beauté du geste. Comme quand tu remontes le col de ma veste. Fais-le pour toi. Si tu l'oses, si c'est pour la bonne cause. Au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs. Ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Tu dis, tu dis. De grands combats qui s'imposent. Qu'on n'oublie pas de faire une pause. Pour ces petites jolies choses. Pour ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Pour toi et moi. Si c'est tout ce qui nous reste. Si c'est tout ce qui nous reste. Pour la beauté du geste. Pour la bonne cause, au fond de ton cœur, c'est comme un bouquet de fleurs. Ces petites jolies choses, ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Ces petites jolies choses. Have been gray, pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, to my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, I'll ride. I heard from the heavens. Nous revoilà avec Aurélie pour parler de l'exposition d'une artiste à Aurélie, qui est Mélanie Pierre Allegrini. Mélanie Pierre Allegrini est une plasticienne. Pour la présenter brièvement, elle a grandi en province où sa sensibilité artistique est née auprès de son grand-père qui est peintre sculpteur et sa grand-mère qui était pianiste. Donc ce qui l'a animée à explorer le dessin, la peinture, l'écriture, le chant, à travers différentes rencontres où elle travaille les ocres issues de sa terre natale. Mmh. Donc c'est tout un travail autour des ocres. Qui sont des ocres, de la nature, les arbres. Donc on retrouve dans sa réalisation, dans ses papiers, qui sont des chemins d'exploration entre la co-création avec le vivant, qui prennent racine avec les quatre éléments, terre, eau, air, feu et soleil. Donc c'est vraiment un travail intuitif où elle explore les matières dans sa réalisation. J'en ai vu quelques-unes sur son site, justement, où elle dessine, où elle peint des arbres, et la couleur la plus dominante de ses œuvres, bah justement, c'est l'ocre, comme vous disiez. Oui, c'est le rouge de l'ocre qu'elle emploie comme une métaphore naturelle, comme le sang de la vie qui coule entre le passé et le futur. D'accord. Qui est porteur d'espoir et d'idées nouvelles. Parce qu'il y en a certaines que j'ai vues, c'est qu'il y a des arbres, et puis avec l'ocre, ça m'a fait penser aux incendies qu'il y a eu cet été, moi, du coup. Les arbres, la nature, les racines, à travers aussi la référence à la femme, aux lignées de femmes, donc c'est plus référence à les origines, la femme, voilà, c'est plus porteur d'espoir, de vigueur et d'idées nouvelles à travers ses réalisations, les éléments naturels de la nature. C'est quoi justement une artiste plasticienne? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche un peu à tout. L'artiste plasticienne, oui, c'est ça. On touche un peu à tout, différents médiums, à la peinture, la sculpture, la photographie. Voilà, c'est complet. C'est pour les arts plastiques un peu élargis. On touche à tout. Est-ce que c'est la première fois qu'elle expose ses œuvres? Non, c'est pas la première fois. Elle est d'origine du Sud, donc elle a été exposée dans le Sud. Dans des galeries, dans des espaces culturels, mais là, elle est venue vivre dans les Vosges depuis quelques années, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc les premières expositions qu'elle a fait, c'est grâce à l'association Artiste A. Et justement, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec elle? La rencontre, ça s'est fait naturellement, enfin, je suivais ses travaux, ses réalisations sur Internet, je l'ai contactée, donc on s'est vu en vrai, puis la rencontre s'est fait autour de l'association, porteuse d'idées, donc... La rencontre s'est faite naturellement et c'était une belle rencontre, elle m'a encouragée dans mon projet, donc ça m'a fait très plaisir qu'elle accepte d'adhérer à l'association, naturellement et tout simplement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de montrer ses œuvres au grand public? C'est que déjà ses œuvres me parlent, me font vibrer, donc c'est ça qui m'a donné envie de le faire connaître au plus grand nombre, c'est le but de l'association, donc j'avais envie de partager tout ça. Elle se passe où l'exposition de Mélanie Pierre? Elle se déroule en ce moment au restaurant La Galerie à Gérardmer. C'est l'adresse exacte, c'est 32 bis François Mitterrand à Gérardmer. Et ça sera jusque quand? Jusqu'à fin novembre. Est-ce que l'entrée est payante pour aller voir ces œuvres? Non, pas du tout, c'est gratuit. Après, c'est pendant les heures d'ouverture du restaurant, donc c'est gratuit. Est-ce qu'elle vend certaines de ses œuvres? Toutes ses œuvres sont en vente, de même que sur notre site internet de l'association www.artistea.com, toutes les œuvres des artistes sont en vente. Et même vous en vendez ou pas? Oui, j'en vends, oui. Sur le site internet, il y a les œuvres de tous les artistes qui font partie de l'association qui sont en vente. C'est une association à but non lucratif, donc tous les sous qui sont récoltés servent exclusivement au déroulement de l'association, aux frais divers que l'association va dépenser. Et ça part bien sur internet? C'est le début de l'association, donc on est vraiment au tout début. Donc là, on a vendu, Mélanie, elle a vendu des toiles au restaurant, donc ça commence doucement, ça commence. C'est encourageant. Je voulais juste vous demander vos choix musicaux, pourquoi ceux-là? Oh, c'est des musiques que j'écoute en ce moment, qui me parlent, qui me font vibrer, c'est des choix, après c'est souvent la période, il y a des périodes où j'écoute plus tel style de musique que d'autres. Là, c'est les musiques que j'écoute en ce moment. Bah justement, pour la première, on se disait hors antenne qu'on avait le même goût pour ce groupe, c'est Boys Avenue, qui font beaucoup de reprises, mais ils ont leur propre création aussi. Oui, oui. Et des fois, leurs reprises sont mieux que les originaux. Oui, c'est vrai. Et puis, en plus, l'avantage, c'est qu'ils vont découvrir aussi des artistes à des jeunes générations qui ne les connaissaient pas. Donc, puis, c'est des musiciens, des auteurs-compositeurs. Donc, c'est pour ça que ça me parle aussi. Les guitaristes, donc, Moi, la guitare, c'est un instrument qui me parle, qui me fait vibrer. J'en ai joué pendant plusieurs années, donc c'est pour ça que je les aime bien. Alors justement, la guitare, on m'a dit que c'était un instrument très complexe. On m'a dit que le plus compliqué, c'est la guitare électrique par rapport à la guitare sèche. Est-ce que c'est vrai ? Oh, faudrait demander à un professionnel, parce que moi, je suis une élève, une padawan. Donc tous les instruments sont difficiles. Honnêtement, il n'y en a pas un plus facile que l'autre. Donc c'est différent, la guitare sèche et la guitare électrique, c'est différent. C'est deux façons de jouer différentes. Donc les deux sont difficiles, hein, honnêtement. J'avais une guitare sèche qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. J'ai voulu la régler une fois parce que c'est une guitare achetée comme ça d'occasion. Ah oui, la cordée. Voilà, c'est ça. Et la corde, elle m'a explosé sur le doigt depuis. Parce qu'il y a trop de serré. Oui, faut pas tourner les clés. La clé, faut serrer doucement. Mais après, faut prendre des cours de guitare. De toute façon, faut être professionnel. J'ai envie de dire, chacun son métier. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professeurs. Moi, je pensais faire trouver des professeurs sur YouTube ou quelque chose comme ça, mais en fait, non, j'avais vraiment besoin d'un vrai prof. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos pour l'exposition ? Sur le site internet, www.artiste-a.com, ou sur la page Facebook d'association Artiste A, et sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il y a toutes les infos dessus. Donc après, sinon, les gens, ils peuvent nous contacter par mail. Sur l'adresse mail, c'est artiste.a.asso@hotmail.com, s'ils veulent plus d'informations. Est-ce que vous avez d'autres projets avec l'association ? Oui, j'en ai plein. J'ai plein d'idées qui fourmillent dans ma tête. Là, je suis en plein échange avec le Centre Porsche de Léménil pour une exposition. Après, je suis sur d'autres contacts aussi en Alsace, sur des petites galeries, des expositions. Donc, ça fourmille d'idées. Je suis en plein échange, donc je croise les doigts pour que ça se fasse. C'est en pleine négociation. Et si vous aviez la possibilité de choisir un lieu assez réputé pour exposer vos œuvres, ça serait où ? Paris ? Ah oui, c'est le rêve de tout artiste, avoir des galeries à Paris, c'est sûr, là oui. Là, c'est un rêve, oui. Je connais pas un artiste qui dirait non. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Aurélie ? Plein de réussite dans les projets d'exposition, les événements, plein d'adhérents, parce qu'on cherche des adhérents aussi, des adhérents bénévoles pour adhérer à l'association, qui ont une sensibilité artistique, un goût pour les arts, et puis des adhérents artistes, surtout. Donc ceux qui veulent adhérer, les artistes qui veulent adhérer ou adhérents bénévoles, la cotisation annuelle est de 20 euros et le droit d'entrée est de 10 euros. Et le bulletin d'adhésion, les conditions sont sur le site. Toutes les informations sont sur le site www.artiste.com. Tout est dessus. Donc plein d'adhérents, voilà. C'est l'union fait la force. Qu'est-ce que vous diriez à un artiste qui n'ose pas se lancer, qui voudrait vous contacter mais qui n'ose pas ? Osez nous contacter. De toute façon, faut oser, il n'y a rien à perdre. Ça ne nous embête pas du tout d'être contacté. Au contraire, c'est toujours des échanges constructifs, bénéfiques. Donc, faut oser, ça embête personne. C'est ce que je me dis, moi, quand je contacte les gens pour exposer, pour trouver des lieux d'exposition. On n'embête pas les gens. Faut oser appeler, faut oser écrire un mail en se présentant. Et voilà, on n'embête personne. C'est pas au contraire, faut oser. Après, l'art, c'est aussi une histoire de sensibilité aussi. Oui, bien sûr, mais après, voilà, c'est des rencontres et tout ça. Il faut vraiment oser. Faut oser appeler, faut oser envoyer un mail. Il n'y a pas de honte dans quoi que ce soit, au contraire. C'est comme ça qu'on avance. Parce qu'après, on regrette. Si c'est pour regretter de ne pas avoir fait, à partir du moment où on se sent légitime, on se dit j'ai des choses à dire, à présenter, faut le faire. Mm-hmm. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Oui, voilà, exactement. Cette émission est maintenant terminée. Aurélie, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que de nombreuses personnes iront voir l'expo de Mélanie Pierre Allegrini et d'autres artistes que vous prenez sous votre aile. Ah oui, moi aussi, oui. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.